Lecture d'enfance. Les contes s'écoutent à tous les âges et à toutes les époques. Ainsi Cendrillon, que l'on connaît le plus souvent dans les versions de Charles Perrault ou des frères Grimm. Mais Cendrillon est un conte universel dont on retrouve des variations dans tous les pays du monde, aujourd'hui, dans la collection Sous la cendre, une Cendrillon européenne. Sous la cendre, figure de Cendrillon, version européenne. Allemagne, un œil, double œil, triple œil, de Jacob et Wilhelm Grimm, raconté par Geoffroy Litvant et Keren Marciano. Il était une fois une femme qui avait trois filles. L'aînée s'appelait un œil parce qu'elle n'avait qu'un seul œil au milieu du front. La fille, puis née, s'appelait double œil parce qu'elle avait deux yeux comme tout le monde. Et la cadette s'appelait Triple-Œil parce qu'elle avait trois yeux. Mais parce que Double-Œil avait la même apparence que les autres gens, ses sœurs et sa mère ne pouvaient la souffrir. « Toi, avec tes deux yeux, tu ne vaux pas mieux que le peuple ordinaire. Tu n'es pas des nôtres, » lui disait-elle. Elle la poussait d'un coin dans un autre, lui jetait de méchants habits, lui donnait pour toute nourriture des restes de leur repas et ne manquait pas une occasion de la maltraiter. Un jour, Double-Œil dut sortir au champ pour garder leurs chèvres. Elle avait cependant encore très faim, car ses sœurs lui avaient donné très peu à manger. Elle s'assit donc sur un muret et fondit en larmes, et elle pleurait tant que deux ruisseaux se mirent à couler de ses yeux. Et quand, tout en se lamentant, elle leva les yeux, elle vit une femme debout près d'elle qui lui demanda « Pourquoi pleures-tu, Double-Œil ? » « Ne devrais-je pas pleurer ?» répondit Double-Œil. Parce que j'ai deux yeux comme tout le monde, mes sœurs et ma mère ne peuvent me souffrir. Elles me poussent d'un coin dans un autre, me jettent de vieux habits et me donnent le reste pour toute nourriture. Et aujourd'hui, elles m'en ont donné si peu que j'ai encore très faim. « Sèche tes larmes, Double-Œil, » répondit la femme sage. « Je vais te dire quelque chose qui te permettra de ne plus avoir à souffrir de la faim. Tu n'auras qu'à dire à ta chèvre, « Mais ma biquette, « petite table, sois prête !» Et une petite table joliment dressée apparaîtra devant toi, couverte des meilleurs mets qui soient, si bien que tu pourras manger autant que tu voudras. Et quand tu seras rassasié, et que tu n'auras plus besoin de la petite table, tu n'auras qu'à dire « Ma biquette, mais petite table, disparaît !» Et elle disparaîtra. Sur ces mots, la femme sage partit. Double-Œil, quant à elle, se disait « Il faut absolument que j'essaie tout de suite pour voir si elle a dit vrai. J'ai bien trop faim. » Elle dit donc « Mais, ma biquette, petite table, sois prête. » À peine avait-elle prononcé ces paroles qu'une petite table apparut, couverte d'une jolie nappe blanche et sur laquelle se trouvait une assiette avec un couteau, une fourchette et une cuillère d'argent. Tout autour, il y avait les meilleurs mets qui soient, fumants et encore tout chauds, comme s'ils étaient sortis tout droit de la cuisine. Double-Œil récita alors la prière la plus courte qu'elle connût. « Seigneur Dieu, sois notre hôte maintenant et toujours. Amen. » Puis elle se servit et mangea de bon appétit. Et lorsqu'elle fut rassasiée, elle dit, comme le lui avait enseigné la femme sage, « Ma biquette, mais petite table, disparaît. » La petite table disparut aussitôt avec tout ce qui s'y trouvait. Le soir, quand elle rentra chez elle avec sa chèvre, Double-Œil trouva une gamelle de terre avec de la nourriture que ses sœurs lui avaient laissée. Mais elle n'y toucha pas. La première et la deuxième fois, ses sœurs ne se rendirent compte de rien. Mais comme la même chose se reproduisait tous les jours, elles s'en aperçurent et se dirent entre elles « Quelque chose ne tourne pas rond avec Double-Œil. Elle laisse à chaque fois son repas, et pourtant, d'habitude, elle mangeait tout ce qu'on lui donnait, sans en laisser une miette. Elle aura trouvé d'autres moyens. » Et pour pouvoir la percer à jour, quand Double-Œil s'apprêta à repartir, un œil s'approcha d'elle et lui dit « Je vais t'accompagner au champ pour voir si tu gardes la chèvre comme il faut et si tu l'amènes bien à un endroit où elle peut manger. » Mais Double-Œil comprit ce qu'elle avait derrière la tête. Elle mena la chèvre dans un champ où l'herbe était très haute et dit à sa sœur. « Viens, un œil, asseyons-nous, je vais te chanter quelque chose. » Un œil s'assit, mais la route qu'elle n'avait pas l'habitude de faire et la chaleur du soleil l'avait fatiguée. Double œil chantait sans cesse. « Un œil, veilles-tu, un œil, dors-tu. » Un œil ferma alors son unique œil et s'endormit. Quand Double œil vit que sa sœur dormait profondément et qu'elle ne pouvait pas la trahir, elle dit « Mais, ma piquette, petite table, sois prête. » Puis elle s'installa à sa petite table, mangea et but jusqu'à ce qu'elle fût rassasiée, puis elle dit de nouveau « Ma biquette, mais, petite table, disparaît. » Et en un clin d'œil, tout eut disparu. Double œil réveilla alors un œil et lui dit « Un œil, tu voulais garder la chèvre, mais tu t'es endormi. Pendant ce temps, elle aurait pu se sauver et s'enfuir Dieu sait où. Viens, rentrons à la maison. » Un œil, quant à elle, fut incapable de dire à sa mère pourquoi sa sœur ne mangeait pas et dit, pour s'excuser, « Quand nous étions dehors, je me suis endormi. » Le lendemain, Triple-Œil s'approcha donc de Double-Œil et lui dit « Je vais t'accompagner pour voir si tu gardes bien la chèvre comme il faut et si tu l'amènes bien à un endroit où elle peut manger. » Mais Double-Œil comprit ce qu'elle avait derrière la tête. Elle mena la chèvre dans un champ où l'herbe était très haute et dit à sa sœur « Viens, Triple-Œil, asseyons-nous, je vais te chanter quelque chose. » Double-Œil reprit la même chanson que la fois précédente. Mais au lieu de chanter comme elle aurait dû le faire « Triple-Œil, dors-tu ?» elle chantait par étourderie « Double-Œil, dors-tu ?» Et elle continuait ainsi. « Triple-Œil, veilles-tu ? Double-Œil, dors-tu ?» Les deux yeux de Triple-Œil se fermèrent alors et s'endormirent. Mais le troisième œil ne s'endormit pas, car la formulette ne s'adressait pas à lui. Et quand Double-Œil crut que sa sœur dormait à point, profondément, elle dit sa petite formulette. « Mais, ma piquette, petite table, sois prête. » Mangea et but jusqu'à ce qu'elle fût rassasiée, puis ordonna à sa petite table de repartir. « Ma piquette, mais, petite table, disparaît. » Or, Triple-Œil avait tout vu. Quand elles furent de retour chez elles, Triple-Œil dit à sa mère « À présent, je sais pourquoi cette créature orgueilleuse ne mange pas. Quand elle est dehors et qu'elle dit à la chèvre « Mais, ma biquette, petite table, sois prête. » Une petite table apparaît devant elle, chargée des meilleurs mets qui soient, bien meilleurs que ce que nous mangeons ici. Et quand elle est rassasiée, elle dit « Ma biquette, mais petite table, disparaît !» Et tout disparaît de nouveau. La mère, jalouse, s'écria alors « Comment ? Tu veux avoir un sort meilleur que le nôtre ? Eh bien, l'envie t'en passera !» Elle saisit un couteau de boucher et le planta dans le cœur de la chèvre qui s'écroula morte sur le sol. À la vue de cela, Double-Œil sortit, bien chagriné, de la maison, s'assit sur un muret du champ et se mit à verser des larmes amères. Soudain, la femme sage apparut de nouveau près d'elle et lui dit « Je vais te donner un bon conseil, Double-Œil. Demande à tes sœurs de te donner les intestins de la chèvre que ta mère a abattus. Enterre ceux-ci dans le sol, près de la porte de la maison, et ton bonheur sera assuré. » Après avoir prononcé ces mots, la femme sage disparut et Double-Œil retourna dans la maison et dit à ses sœurs « Mes chères sœurs, donnez-moi tout de même quelque chose de ma chèvre. Je ne veux pas de bons morceaux. Donnez-moi juste les intestins. » Et le soir, quand tout fut silencieux, elle les enterra près de la porte de la maison, comme le lui avait dit la femme sage. Le lendemain matin, quand elles furent toutes réveillées et qu'elles sortirent de la maison, un arbre magnifique et merveilleux se dressait là, qui portait des feuilles d'argent, et au milieu des feuilles, des fruits d'or, si bien qu'on n'avait jamais rien vu de plus beau ni de plus exquis dans le vaste monde. Elles ignoraient cependant comment cet arbre était apparu là pendant la nuit. Seul Double-Œil comprit qu'il avait poussé à partir des intestins de la chèvre, car il se trouvait à l'endroit même où elle les avait enterrés. La mère s'adressa alors à un œil. « Grimpe dans l'arbre, mon enfant, et cueille-nous des fruits !» Un œil grimpa dans l'arbre, mais comme elle s'apprêtait à saisir une des pommes d'or, la branche lui échappa des mains. La mère dit alors « À ton tour, Triple-Œil. Avec tes trois yeux, tu peux mieux voir qu'un œil ce qui se passe autour de toi. » Un œil redescendit de l'arbre et Triple-Œil y grimpa. Mais elle ne fut pas plus adroite. Elle avait beau regarder autant qu'elle pouvait, les pommes d'or se dérobaient toujours. La mère finit par s'impatienter et grimpa elle-même dans l'arbre. Mais elle parvint aussi peu qu'un œil et Triple-Œil à saisir les fruits. À chaque tentative, ses mains se refermaient sur le vide. Double-Œil dit alors « Je vais essayer moi aussi. Peut-être y parviendrai-je, moi ?» Ses sœurs s'écrièrent, certes. « Que veux-tu donc, toi, avec tes deux yeux ?» Double-Œil grimpa tout de même dans l'arbre, et les pommes d'or ne se dérobèrent pas à ses mains, bien au contraire. Elles vinrent se placer d'elles-mêmes dans sa main, si bien qu'elle put les cueillir l'une après l'autre, et qu'elle redescendit de l'arbre avec son tablier rempli de pommes. La mère les lui prit. Mais au lieu de traiter mieux la pauvre Double-Œil en échange de cela, ses filles et elles furent encore plus dures avec elle qu'auparavant. Un jour, alors qu'elles se trouvaient toutes ensemble près de l'arbre, un jeune chevalier passa par là. « Vite, Double-Œil, cache-toi là-dessous pour que nous n'ayons pas honte de toi !» s'écrièrent ses deux sœurs en renversant en toute hâte au-dessus de la malheureuse jeune fille un tonneau vide qui se trouvait à côté de l'arbre. Elles cachèrent aussi sous le tonneau les pommes d'or que Double-Œil venait de cueillir. Quand le chevalier, qui était bel homme, s'approcha, il s'arrêta pour admirer le magnifique arbre d'or et d'argent et s'adressa ainsi aux deux sœurs. « À qui est ce bel arbre ? Celle d'entre vous qui m'en donnerait un rameau pourrait me demander en échange tout ce qu'elle désire. » Un œil et Triple-Œil répondirent alors que l'arbre était à elle et qu'elle voulait bien lui en donner un rameau. Elles se donnèrent en effet bien du mal toutes les deux, mais elles n'y parvinrent pas, car les branches et les fruits se retiraient chaque fois qu'elles en approchaient les mains. Le chevalier dit alors « C'est bien étrange que cet arbre soit à vous et que vous n'ayez cependant pas le pouvoir d'en cueillir quoi que ce soit. » Elles maintinrent cependant que l'arbre était leur propriété. Mais pendant qu'elles parlaient ainsi, Double-Œil, qui se trouvait sous le tonneau, fit rouler quelques pommes d'or jusqu'au pied du chevalier, car elle était en colère que ses sœurs ne disent pas la vérité. À la vue des pommes, le chevalier s'étonna et demanda d'où elles venaient. Double-Œil sortit donc, toute confiante, de dessous le tonneau, et le chevalier fut émerveillé par sa beauté et lui parla ainsi. « Toi, Double-Œil, tu peux certainement me briser un rameau de cet arbre. » « Oui, j'espère bien en être capable, car cet arbre est à moi. » Elle y grimpa et brisa sans aucune difficulté un rameau portant des feuilles d'argent et des fruits d'or qu'elle tendit au chevalier. Celui-ci répondit alors « Double-Œil, que dois-je te donner en retour ?»« Ah, je souffre de faim et de soif, de chagrin et de misère du lever jusqu'au coucher du soleil. » « Si seulement vous pouviez m'en délivrer en m'emmenant avec vous, je serais heureuse. » Le chevalier prit alors Double-Œil dans ses bras, l'installa sur son cheval et l'emmena dans le château royal de son père. Là-bas, il lui donna de beaux habits, de quoi boire et manger autant qu'elle le désirait. Et comme il l'aimait tant, il fit bénir son union avec elle et leur mariage fut célébré avec grande joie. Le lendemain matin, lorsque Double-Œil regarda par la fenêtre de sa petite chambre, elle eut la grande joie de voir que l'arbre se trouvait devant et qu'il l'avait donc suivi. Double-Œil vécut heureuse pendant longtemps. Un jour, deux pauvres femmes vinrent la trouver au château et lui demandèrent l'aumône. Elle regarda alors attentivement leur visage et reconnut ses sœurs, un œil et triple œil, qui avaient sombré dans la misère au point de devoir aller sur les routes et mendier pour gagner leur pain. Double œil, quant à elle, leur souhaita la bienvenue, fut bonne envers elle et en prit soin. Si bien que ses deux sœurs regrettèrent du fond du cœur le mal qu'elles lui avaient fait dans leur jeunesse. L'orpheline et sa vache, conte populaire géorgien, raconté par Bernadette Le Sachet et Keren Marciano. Il était une fois un mari et sa femme. La femme mourut, laissant son mari veuf et leur fille orpheline. Longtemps après, le veuf se remaria. La belle-mère maltraita sa belle-fille, surtout à partir du moment où elle constata que l'orpheline était bien plus belle que sa propre fille. Cela faisait enrager la belle-mère et elle empoisonnait comme elle pouvait les journées de la pauvre petite. Elle ne la baignait jamais, ne lui changeait pas son linge, ne lui donnait ni à manger ni à boire. Ils avaient une vache. La belle-mère ordonna à l'orpheline de mener la vache à l'abreuvoir. « Tu feras boire la vache, » dit-elle à la fillette en lui donnant un panier de laine. « Et en même temps, tu battras, tu carderas, tu fileras cette laine, tu tricoteras des chaussettes et tu me les apporteras, sinon ne mets plus les pieds ici. » L'orpheline pleura et ses larmes allèrent rejoindre l'eau. Acquérant le don de la parole, la vache lui dit « Mais pourquoi pleures-tu, ma chérie, ma petite maîtresse ?»« Comment ne pleurerais-je pas ? Ma belle-mère m'a donné un panier de laine et m'a ordonné de battre, de carder, de filer cette laine, d'en faire des chaussettes et de les lui apporter en même temps que je te ferai rentrer à l'étable. Sinon, m'a-t-elle dit, ne remets plus les pieds chez moi. » « C'est donc pour si peu que tu pleures, » lui dit la vache. « Mets la laine sous ma queue. Je la battrai, la carderai, je la filerai et j'en tricoterai des chaussettes que tu porteras à ta belle-mère. » La fillette fit comme la vache lui dit et les chaussettes furent prêtes en un instant. « Alors, as-tu fait ce que je t'ai ordonné ?» demanda sur un ton de menace la belle-mère à l'orpheline. L'orpheline sortit les chaussettes et les lui remit. La belle-mère resta bouche bée. Que pouvait-elle dire? Une fois, la vache courut sur le toit plat de la maison de la mère d'un dève. L'orpheline l'y suivit. Elle tenait une quenouille qui glissa de sa main et tomba du toit dans le logis des dèves. Elle prit son courage à deux mains et descendit dans la maison. La mère du dève était assise sur la cheminée. « Mère, au nom de la maternité, j'ai laissé tomber du toit une quenouille. Passe-la moi, s'il te plaît. »« Mon enfant, viens d'abord me peigner et prends ensuite ta quenouille, » répondit la mère du dève. L'orpheline s'approcha et peigna la tête parsemée de boutons de la vieille. « Oh, mère, quelle belle tête tu as, propre et soignée !» La mère du dève dit à l'orpheline. « Va à telle source, assieds-toi à son bord et attends. Tu verras d'abord passer de l'eau trouble, puis de l'eau argentée et enfin de l'eau dorée. Lorsque tu verras passer l'eau dorée, plonge-y ta tête. » L'orpheline alla à la source indiquée par la vieille, s'assit et attendit. D'abord, elle vit passer de l'eau trouble, puis de l'eau argentée, et lorsque passa l'eau dorée, elle y plongea la tête. En retirant sa tête de l'eau, l'orpheline vit qu'elle était toute couverte de cheveux d'or bouclés, et elle put à peine bouger sa tête sous leur poids. Le soir, l'orpheline rentra chez elle. À la vue de ses cheveux d'or, sa belle-mère fut comme frappée de foudre. « Vaurienne, qui t'a donné ces beaux cheveux ?»« Je menais la vache, Elle a couru sur le toit de la maison des Devs. J'ai laissé tomber dans la maison ma quenouille. Je suis descendue la chercher et j'ai vu la mère du Dev. Je l'ai peignée et elle m'a appris le chemin d'une source. J'ai plongé la tête dans l'eau de cette source et quand je l'ai retirée, j'avais ses cheveux d'or. Le lendemain matin, dès l'aube, la belle-mère réveilla sa fille, l'habilla, lui couvrit la tête et l'envoya avec leur vache chez la mère du Dev. La fille poussa devant elle la vache, ne lui donna ni le temps de paître, ni celui de se reposer, la fit passer sur le toit des Devs et fit tomber de là une quenouille avec de la laine. Ce faisant, elle cria d'un ton altier « Vieille ganache, passe-moi cette quenouille !»« Descends, mon enfant, peigne-moi les cheveux et reprends ta quenouille !» lui répondit d'en bas la vieille. La fille descendit, s'approcha de la mère du Dev et la peigna. « Fille, fille, ta tête est pleine de boutons et de larves » s'écria-t-elle en crachant sur la tête de la vieille. « Apprends-moi vite le chemin de la source où notre toupie a acquis ses cheveux d'or. Je suis pressée, je dois m'en aller. »« Vas-y, » dit la vieille, « tu verras passer de l'eau dorée, mais n'y plonge pas ta tête. » L'eau argentée passera, une fois de plus, n'y plonge pas ta tête. Lorsque passera l'eau de la couleur de l'âne, plonge-y ta tête. La fille alla, s'assit près de la source et attendit. L'eau dorée passa, elle n'y plongea pas la tête. L'eau argentée passa, elle n'y plongea pas non plus la tête. En voyant passer l'eau de la couleur de l'âne, elle y plongea la tête, et au lieu de cheveux d'or qu'elle espérait, sa tête se couvrit tout entière de mèches d'âne. La fille retourna furieuse auprès de sa mère. Et plus la belle-mère coupait les cheveux de sa fille, et plus repoussait sur sa tête des mèches d'âne. Plus la belle-mère coupait les cheveux d'or de l'orpheline, et plus ils devenaient onduleux et épais. La belle-mère feignit d'être malade, voire même mourante. « Qu'est-ce qui pourrait te guérir ?» lui demanda son mari. « La seule chose qui puisse me guérir, c'est que tu tues cette vache et que tu me donnes à manger de sa viande. » « Si tu ne le fais pas, je mourrai. »« Je la tuerai, » dit le mari, « pourvu que tu guérisses. » L'orpheline entendit leurs propos, descendit près de la vache, s'assit et pleura, pleura, à vous fendre le cœur. La vache lui dit, « Ne pleure pas, ils n'ont qu'à me tuer, mais toi, ne mange pas de ma chair et ne laisse traîner aucun de mes os. Dépose-les ensemble dans quelque trou. » On tua la vache, on fit cuire sa viande et on la mangea. Quant à l'orpheline, elle n'y toucha pas, ramassa les os, creusa en cachette un trou derrière la porte et les y déposa. Ayant mangé de la viande de la vache, la belle-mère fit semblant d'être guérie. Un jour, la belle-mère, sa fille et son mari allèrent à un anniversaire. Ils laissèrent l'orpheline à la maison. La belle-mère désigna à l'orpheline un sac de farine et la menaça. « Pétris cette farine de tes larmes et fais cuire du pain avec cette pâte avant que je ne revienne ou je te tue !» L'orpheline s'assit et pleura. Elle pleura à chaudes larmes. Une femme entra. « Pourquoi pleures-tu, ma fille? Que t'arrive-t-il ? » C'est que ma belle-mère m'a laissé un sac de farine qu'elle m'a ordonné de pétrir de mes larmes. Si le pain n'est pas cuit avant son retour, elle me tuera. » « Que tu es naïve, ma fille, lui dit la dame. Plutôt que de pétrir la farine de tes larmes, mets à chauffer une marmite d'eau. Ajoute du sel à la pâte et pétris-la. Ta belle-mère devinera-t-elle si la pâte est pétrie de larmes ou d'eau ? » L'orpheline agit comme la dame le lui avait conseillé. Elle mit à chauffer de l'eau, ajouta du sel, pétrit la pâte et fit cuire le pain. Puis, elle eut envie de revoir sa vache. Elle alla découvrir le trou derrière la porte où elle avait déposé la peau et les os de la vache. Quel miracle ! La peau de la vache s'était transformée en belle robe, son crâne en diadème, les côtes en un coursier fougueux, les menus os en bagues, la queue en fouet et les sabots en jolies petites pantoufles. La jeune fille revêtit la robe, se para, fit sortir de la cachette le coursier, elle monta sur ce coursier et courut au pays où la fête était donnée. À plusieurs reprises, elle passa et repassa sur son coursier au milieu de l'assemblée. Grands et petits ne purent en détacher les yeux. Puis elle retourna chez elle. Sur son chemin, elle rencontra une rivière qu'elle devait traverser. Une de ses pantoufles tomba dans l'eau et le courant l'emporta. La rivière porta la pantoufle et la fit aborder à l'endroit même où l'on menait à breuver les chevaux du roi. La pantoufle flottait sur l'eau et brillait comme le soleil. On fit venir un pêcheur qui jeta son filet et ramena la pantoufle d'or. Le roi avait un fils. Ce prince remit la pantoufle à ses hommes et leur ordonna « Amenez-moi, Séant, celle à qui cette pantoufle ira. » Les envoyés du prince marchèrent beaucoup. Ils firent même le tour du pays. Plus d'une disait exprès « Oh, mais cette pantoufle me va !» Mais elle n'allait à personne. Enfin, les serviteurs du prince vinrent à passer devant la porte de la belle-mère de l'orpheline. « Entrez, messieurs !» leur dit-elle. « Cette pantoufle ira à merveille à ma fille !» Les hommes du prince entrèrent. La belle-mère essaya de mettre la pantoufle à sa fille, mais pouvait-elle la chausser à sa patte ? Sa fille ne put même pas y entrer le bout de l'orteil. « N'avez-vous pas d'autres filles ?» demandèrent les hommes à la belle-mère. Une toupie est bien vautrée chez nous, mais comment voulez-vous que cette pantoufle lui aille, puisqu'elle ne va pas à ma fille ? À force d'insister, on finit par faire venir la jeune fille, et on vit que la pantoufle allait justement à son pied, et qu'elle avait aussi l'autre pantoufle de la paire. La jeune fille revêtit sa belle robe, mit ses bijoux, on la fit monter sur un coursier, et on la conduisit chez le prince. Le cœur de la belle-mère faillit éclater, mais qui pouvait-elle ? Le prince épousa l'orpheline et célébra sa noce dans le faste. Il succéda à son père au trône du royaume et la petite orpheline devint reine. Ces deux contes étaient extraits de « Sous la cendre, figure de Cendrillon ». Une anthologie établie par Nicole Belmont et Elisabeth Lemire, réunissant une cinquantaine de cendrillons originaires de cultures différentes et publiée par José Corti. Avec Geoffroy Lidvan, Bernadette Le Sachet et Karen Marciano. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Bruno Mourlan. Assistante, Anne-Laure Chanel. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.